pas besoin de t'expliquer. Je vis de péripéties, ma vie un beau récit, viens pas me payer en pesos. Toujours un peu crispé, je vis ma vie en duo. C'est moi et Sultan, moi et ma thèse, moi et mes potos. C'est plein d'action, c'est ainsi de suite, demande à Alpa. C'est lui qui a plein de mecs qui écartent leur fils, putain c'est foutu, faut s'entêter. C'est plus à la mode d'être fashion maintenant, faut être pété. Hanté, car je vois comment ça bouge, trop de catins, faites bec, voici la zone rouge. Rafarin, voilà la France d'en bas, les mecs d'en bas, les thunes d'en bas, et même les putes d'en bas. En bas, c'est le ghetto Grindland Star, devant les halls, c'est des cas comité holster, un nouveau call. Tu veux savoir ça vient d'où, petite folle, te calme pas, sur nos pistes, c'est made in du hall. Ma force c'est la cité, ma force c'est 10 contre 1, ma force c'est mon dit, mes origines et puis mon teint. Ma force c'est 92 et c'est clic, ma force c'est de sourire quand tu vois mal. Ma force c'est comme une chaîne, toujours lié. Ma force c'est devant l'ennemi, jamais plus. Ma force jamais pour cave, toujours lié. Ma force. Me voici débordant d'inspi, prêt à faire bouger la population qui n'est pas sain d'esprit. Le sultan Rijal, un vide d'œil amical, un contenu sale, une attirance pour le mal. Je donne un sens à ma vie, j'en fous de l'île de France et tout Paris. Check les mecs des provinces, donne du son pour les gars en job ou à pince. Les meufs que sous agro 1, et tu le sais, 100% rap français, il va y avoir du sport. Cette année la mienne représente les Comores. S-U-L-T-A-N te rend dans le décor. Amiri musique, 100% hardcore. Ma force c'est 10 contre 1, ma force c'est mon dit, mes origines et puis mon teint. Ma force c'est 92 et c'est clic, ma force c'est de sourire quand tu vois mal. Ma force c'est comme une chaîne, toujours lié. Ma force c'est devant l'ennemi, jamais plus. Ma force jamais pour cave, toujours lié. Ma force ma tchatch, des clans de le nez se fâche. Le CO tchatch, un poli, ça rugit des deux pôles. De mytho, au Claude puni, tu ne fils consul. Croiser un cimetière pour s'accrocher à la vie. Nos repères et coutumes, le tome 3 d'une plume du 9-2. Les rimes au C4, C-O-M-O-R-E-S. Pas ton cadre, vos fils les macaques. Patate, ton son et satellite, v'là l'élite, m'élite. Ton F est coupable, palpable sur CD. Et maudit par les jalouses et donneuses de CD. J'prends le temps en m'imposant et ressens F, rouchant sur mon logo, le topo. Je suis autodidacte et je t'ai dit. Le salarié m'a l'industrie musique. Armerie musique. Armerie musique. C'est... Ma force c'est la cité, ma force c'est 10 contre 1. Ma force c'est mon dit, mes origines et puis mon teint. Ma force c'est 92 et c'est clic. Ma force c'est de sourire quand tu vois mal. Ma force c'est comme une chaîne, toujours lié. Ma force c'est devant l'ennemi, jamais plus. Ma force jamais pour cave, toujours lié. Ma force ça fait rien. Ça rappe toujours autant, ça passe au tome 3. Toujours trop de cartouches, puissance de frappe multipliée par 3. Toujours dans la merde, donc qu'est-ce que tu crois? Automatique meurtre rafale, enfile un pare-balles. Ça tire à bastos, trafiqué légalement. Je rentre dans le circuit pour niquer. Funeste 94, rallie les troupes quand ça se corse. Effet de masse, tu la fermes quand je cause. Trop de putes, 30 leurs cibles dans l'arrêt et se disent bonhomme. Du mal à différencier, un 11-43 d'un gom-gom. Et le bruit qui fait boum boum. Ça arrive dur pour te punir, c'est sévère, on est ton avenir. J'casse sur blast, tu vas le retenir. Armerie musique. Armerie musique. Ma force c'est la cité, ma force c'est 10 contre 1. Ma force c'est mon dit, mes origines et puis mon teint. Ma force c'est 92 et c'est clic. Ma force c'est de sourire quand tu vois mal. Ma force c'est comme une chaîne, toujours lié. Ma force c'est devant l'ennemi, jamais plus. Ma force jamais pour cave, toujours lié. Ma force. Bang, bang, mon écriture et mes sales pensées. J'pose les pistes, pleure, allez donc danser. Des plaies, des trous dans le cœur. La mort frappe, des gros freestyle, du H pretender. J'aime musique et problème. De 16 à 48, des textes et trop de thèmes. Du dangereux messieurs, des créteux et des vicieux. On avance, équipe parée. Holster, des cuftards de terre armés. Bang, des bastos et de l'argent. Des putes et des agents, du rap et mon contingent. Mine antipersonnelle, armurée, des grosses frappes intentionnelles. Sérieux, 92 et c'est périlleux. Mais les mioches à l'abri, c'est pas des briques qu'on lance mais des missiles. Miskin, tu sais qu'à chef c'est lourd. Que les sourds tapent la mesure et que les blaves crient. J'enfile la cagoule et mets le bordel dans le cus. Un braquage à l'ancienne et les putes écartent leurs seuls. Embrasse le parquet pendant que je fais mon taf. Musique, clic clic, bang bang, le son de mon staff. Bang bang, à force, H-F, All-Star, O-Jai, bang.